Chapitre 38. Le devoir d'ordonner à sa famille, à ses enfants qui ont atteint l'âge de raison, et à tous ceux qui sont sous son autorité, d'obéir à Allah et de leur interdire de commettre tout péché et de les éduquer. Allah Ta'ala dit: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Sourate 20, verset 132. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. Sourate 66, verset 6. 298. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporta qu'Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhuma, qui était encore un enfant, prit une date parmi celles de l'aumône et la mit dans sa bouche. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'exclama alors: « Berk, berk, jette-la. Ne sais-tu pas que nous ne mangeons pas de l'aumône ?» Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, que l'aumône nous est interdite. 299. Abu Hafs, Omar ibn Abi Salama, Abdullah ibn Abdel Assad, le fils de Salama, l'épouse du messager d'Allah, rapporte: j'étais encore un enfant sous la tutelle du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et j'avais l'habitude, pendant les repas, de promener ma main dans le plat. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, me dit alors: hé, hey, petit, dis bismillah, au nom d'Allah, mange de la main droite et mange ce qui est devant toi. Depuis, je n'ai cessé de manger de cette manière. Al-Bukhari et Muslim. 300. Ibn Omar, radiallahu anhuma, rapporte qu'il entendit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: chacun de vous est responsable et sera interrogé sur ce qui est de sa responsabilité. Le dirigeant est responsable de ceux qui sont sous son autorité, et il sera interrogé sur eux. L'homme est responsable de sa famille, et il sera interrogé sur elle. La femme est responsable de la maison de son mari, et elle sera interrogée sur son foyer. Le domestique est responsable des biens de son maître et il sera interrogé sur ces derniers. Et chacun de vous est responsable et sera interrogé sur ce qui est de sa responsabilité. Al-Bukhari et Muslim. 301. D'après Amr ibn Shu'aib, selon son père, qui le tient lui-même de son père, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: ordonnez à vos enfants d'accomplir la salat dès l'âge de 7 ans et frappez-les, s'ils la négligent, à l'âge de 10 ans, et qu'ils dorment séparément. Abu Daoud avec une bonne chaîne, Isnad. 302. Selon Abu Thurayya, Sabra ibn Ma'bad al-Juhani, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: apprenez aux enfants à accomplir la salat à l'âge de 7 ans, et frappez-les, s'ils la négligent, à l'âge de 10 ans. Abu Daoud et At-Tirmidhi, qui a fait le commentaire suivant, Hadith Hassan. Dans la version d'Abu Daoud, il est précisé: ordonnez aux garçons d'accomplir la salat dès l'âge de 7 ans.